wala bok lim téré bi alquran ji mo ci du ko meuna téyé ba mu dess sude jangale kat la wala kuy jang kok dinañ ko permettre mu meuna téyé alquran ji manam ci dara ja wala ci classe ba mu jangale ba fu ne bu boba mu meun nañ ko permettre mu téyé alquran mais du ko téyé du téyé alquran bu mat mais jukki la ci téyé manam parti la ci téyé wa lolou il faut ñu différencier question bobu ak question bi nga xamantene mom moy han moy biñu wax sank question deglu bek jang bek yoy du ben pour delu ci mirage wa bu nit genee aduna baagi ay bor legui c'est ayant droit moy ñu dañu ko wara do wa bu bayul alal bo héritier wa bu bayul alal bo xamne man na rembourser wa est ce que ñoñu dañu am obligation wa héritier comme ni rek comme bu fi bawo dara ñom ñokoy jël bu fi bawul dara rek ñom ñoy rembourser waaw té ciiri dañ koy toll lolé solo hein té ñom waaw donc ñom ñep ñu bokku li ñu rembourser té la duñ tolo li ñuy rembourser solo li ñu warona am ci ndonna voilà ci ndonna la hein voilà yonna ko do ko yott ba yon lu bëre gaalé kessel bam dess nak su fekente nak comme ni kenn ku ci nek meuna waxé né ah man dé sama cër ci mirage bi mayé nako comme xam nga kenn ku né meuna na wax lool ni nga nonu tamit non budé ci bor bi kenn ku ci nek meuna né sama cër manam ci bor bi mono cëru diiw ci bor bi man gaddu nako mais man sama cër ci diiw wa manam ciir bi nga xamne comme bor bi comme diiw ñun ñi ñep ño wara fay bor legi man jël na garantie lepp ma koy fay lool man na ne wala jël na garantie ni diiw ñom seen ciir man gaddu na comme ni mu mëne wax ne sama ciir may na ko diiw da fa am lu bari li fa ci mera su legi mais le est ce lool yon la comme pa genn aduna keur gi pa am yenen jabar ñi nga xam de len lu wer bay do aw bi nek ci keur gi ñu étage legi ñu jël ne dañuy jox keur gi taw bi mu rembourser ñi dess est ce lool deedet ah deedet lool du yon de d'accord non ba mu dess suñ ci d'accord non dafa ndal lepp lo xamne dafa aju ci walu haq lepp lu aju ci walu haq ku mu neex meun renoncer ci sa hak sa droit mais nak munu ñu permettre nit ñi ñu imposer ne taw bi par exemple mom moy jël kër gi mom lañ koy jaay par force dedet fay ñi ci dess ah bu gaay buggul ñu jaay affaire bi taw bi ñepp ci yam donc bu kenn ñepp ci yam ñu bu kenn bañé rek ñepp ci yam hein est ce que en cherne ni rafet da ñaan ko bëgg ñu fay bu ñëpp dank non def leen dank dé dank ya mënta non def leen dank waxe ba ku nekk xam nga wara xam li nga wara yor wa ko après kenn ci ñoom ne moom nga ko bëgg jënd fay ñeneen voilà lool mëna né mais ñu ñëw xam rek jox ko kenn ñeneen ni d'accord ça va waaw kay tan lañ d'accord jay ko parce que meuna gëna cher la manam meuna gëna bëri lu mu joxe alors que ñom soxlu wuñ lool mais bu kenn bañé duñ ko jay kenn duko jay dédé bu kenn bañé kenn duko jay dañuy jël lepp jox ko kenn ku ci nek li nga wala bok koku bañ lañuy jël ñeugam manam ne ko comme parce que lool tam meuna ne moy ñun ñepp ño bok du wara doon mais ñun kër gi par exemple dañ ci bëgg dëkk am ñu ko xamné dañu dédé dañ koy jay dañ nan ko dédé légui affaire bi yomna dañuy xol tay dañuy xol tay buñ ko doon jaay valeur bi ñaata la ñu xol ñaata nga ci am buñ ko jaayoon ñu jox la lolu yow nga dem sa yow ñu ñu dekk lolu tam man naane wa mom mu tege ko mom day dem mom bokkul ci kër yalla ñal sax Allah est ce que bes bu delo waté xaaliss bi dina mo dugga ah non lolu par contre affaire bi légui affaire mom la ku mu neex voilà légui nak problème mom la rek comme hein voilà day fekk problème mirage bi dem na ba pare jallu na voilà légui li mom problème da nga bëgg jaay la da nga bëgg bok ci voilà actionnaire nga bëgg doon wala net wala même dire dira mirage bu nit ki genné aduna est ce que dans le temps dañu sopp ñu def ko le plus rapidement non le plus rapidement possible lañ ko wara def ci Sénégal légui ngi sañ koy ah non yoy gars c'est que gars bi ci affaire yi duggé la internet wa bismillah est ce que amna ñoo xamna ñun ñoo bokk nay bay donc on touche rien ni dëkk doon rek dilem wa non lool moy li ma doon wax légui c'est à dire que yeenu bokk ngeen bokk nday ak bay après ñi ci dess bokku ñu ko wala yoy non lool après lool jouewul amul ben en fait incident juridique manam juridiquement lool amul ben importance amul influence li upp so li am solo len kessa la moy kenn ku ci nek dafa am ay droit dafa am lu mu wara mom ci liñuy don kenn ku ci nek buñu xesse ba xam ba ndax ñoom ñep dañ ci d'accord dekk ci wala ñoom ñep dañuy d'accord jaay ko wala dañ ne kenn ñi nga xamne ñoom d'accordu ñu jaay ko dañ ci bëgg dekk est ce que mën nañu joxe ñeegu nit ñi ci dess mom parce que buñ ko mënul joxe duñ ko joxe leen leen sax amna ka yo xamne dañ leen di imposer ñu jaay ko comme par exemple waaji dafa genn aduna amul leneen manam mom borom yi par exemple da fay ne te amul lenn lu wara mëna joxe lu dul kër gi lañu jaay ka bobu par exemple dañu obligé jaay même bu den jabotum amuñu fuñu dekk parce que ay borom bor yi fokk da ko wara fay a moins que ñom ñu nangu rembourser bor bi ñu nek garané dinañ rembourser bor bi voilà ñu nek garané dañuy rembourser bor bi ak yu mel non ba paré tamit ki mu yorel bor bi nangu lool aussi parce que lool tamit da ci am il faut mu mën ko nangu a manam ak taadu fi yor la yo xamné manam ay règle yu ndaw la yo xamné dang koy xam rek ben yoon mu jeex té règle yépp dafa yanu manana bay bëgg dé jaru sax lu compliqué wu ay mbir la yo xamné ay ak la ay droit la ki mom li ku nek kenn mënul jël akku jaamur jox ko kenen a moins que nit ki nango bayil bopam mom akam nit ki bu nango bayil akam moko bay amer mom non la rek lool lu simple la mais au Sénégal c'est une question très problématique wa c'est parce que gars dañ cey tek banexu bakkan rek li damay bi rasul professionnel waaw te samaay dafa am valeur mais warul ëpp ciéru alal ji ciéru alalu ki joxe ba paré tamit ku am droit donu bokul ci testament du ci bok dedet ku am droit ku am droit donu bokul ci testament la wax yefali waris yentu bi wax sallallahu alayhi wasallam ku am droit donu bokul ci testament ba mu dess bu boba bu fekké né dañ ko bolé ci testament bi légui dañuy bayyi xel rek ñi nga xamantene ñom ñoy héritier yi ñi doon suñu nangone waaw ñun wéyel lañu testament bi graw ñu wéyel ko su uppé tier testament bi bu uppé tier héritier yi né nangu nañu tamit ñu wéyel ko problème yépp problème du droit la après voilà bu kan mais lool kenn duko bayyi xel ndax alal ji mom bu fi joge do son alal momatu ci dara la ci momatu fa bi wax ko mu bañ ko wax dal amul ben incident juridique la wax amul manam njariñ juridiquement légi nak mu dess li nga xamantene ñom ñoy xol ndax ba xam seen papa limu waxon dañ ko bëgg wëyel ngir ay raison yo xamne après yeneen raison lañ mais bu dé juridiquement mu amul valeur bu kenn né dédét non man bokuma dañ koy jox ndëgëm dañ koy jox walla wallahu a'lam légi ta mu xam nga ni fi un jour ñaata téré ñoo ko wacc ci yeneen ti wa mu ngi ko fatte ni rabbul ma sa ko do bo xori ci ba 104 la woon mu wa 104 la Alayhi salatu wassalam. Damay laaj soumay voyager nek dans un avion. Orgulique nan la mëna jullé bañ waxtu bi ki ma rëcc ma. Voilà, lolu possibilité yi li la. Bu ñëk bi moy mu leer ma ni sama voyage buma joggé tay par exemple Lyon di dem Johannesburg wala dem Botswana ah du Botswana wala mo ligue tay Lyon di dem Botswana nga xam tane 9h de trajet la wala dem 12h 13h wala xam nga digeunte bobu gis na ne su fekente ne tisbar jotna ma nek aéroport parce que aéroport dañuy genn dekk bi fofu mën na julli tisbar ak taku sam su ko defé buma démé julli timis ak gué lolou ben possibilité la ñaarelu possibilité bi moy heure bima départ par exemple 11h la tisbar jotagul boba damay obligé julli ci avion bi sumay julli ci avion bi nak su fekke xamna fan la qibla fété ci bir avion bi damay djublu qibla suma ko xamul duma ko def légui mu dess li nga xamantene man nako moy di kabar di tari nan sami allah nga xamna bana wala kal hamdu tasbih ak yor man nako ndax lamine dong nga koy def du lenen légui lolou mom obligé amul ben cas de figure buñ may koy teggi ne bu len may biral dama biral am problème am problème dama non mais biral bi tamit waxu ñu nga yuuxu ci kaw biral kay parce que biral tamit li gëna tour ci biral moy su dé yow bo waxé da nga dégg ah lool la rek wa bismillah arrahman arrahim voilà lool ma ngi ci ñu yi nga xamantene amul cadre figure ñu ko ci lay wax benen cadre figure li nga xamantene man nan mako may moy mën na tax moy mën na juk taxaw lool tamit kenn duma ko waccel parce que mën na taxaw te yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lool la waxon kan muaz ibn jabal imran ibn husayn ah nga deug radiyallahu anhu imran ibn husayn radiyallahu anhu salli qa'iman fa illam tatata fa qa'idan fa illam tatata fa ala jamb lool moy hadith bu sahih imam bukhari rahmalahu mu ne ko djulil nga taxaw soko manul nga tok soko manul nga wet dedet lepp lo xamantene position taxaw la dang koy taxaw bokut ak nafila julli farata motax ñuy wax budé julli nafila mën nga tok mais légui nak mu dess ruko ay ah dedet ça dépend parce que avion bi leg mu am place bo xamantene espace ci ginnaw ça dépend ci avion yi dang ci mëna julli bu boba da ngay obligé dem ci espace bo mu julli leg nak non lolu yeb da fa aju ci avion yi amna avion yu nit ñi di julle amna avion yu am espace yu ñuy julle voilà donc bu boba dañ ci julli avion yi nga xamantene amuñu lolu lolu fofu rek la problématique bi di poser yi may wax yep fofu nak la amul nak lenn lo xamantene ngant la bu lay meuna téré julli normalement ci avion lenn rek mo lu ko meuna téré moy awuma espace mais amul lenen ay nit ñi dañ may xol ak ay damay julli di ki yo ay damay rus ak yoy du ngant Légui sumu déparé bala tisbar mais nara egg bala timis muna xar ba egg bol tisbar ak tabsan bolé voilà exactement lool tamit lool moy benen cadre figure waaw bobu nak est-ce que damay wañi waaw bobu da ngay wañi d'accord parce que bobu da ngay wañi bamou dess soudé deuk bobu nga jëm da nga fay def lu upp ñetti fan légui mu dess sumay julli kab ki bi rukua bi sumako mané def dama koy def sumako mënul def nak bu boba nak la furu def damay def rek image buy wané ni dama magaru bëgg roko manam forme buy wané dama bëgg roko han ak sujjor bi tamit non lay def bu boba en réalité avion amna espace mais problème bi moy amna couloir lolu voilà moy couloir voilà couloir bi bu dé gaay permettre voilà buñ mako permettre ra man na fay djul mais sou mën voilà effectivement dama ko dou meun occuper ndax nit ñi dañuy jall voilà ça n'est pas les problèmes moi et puis tout dépend ci nit ñi non lay kon yi ngay taxaw da nga jog taxaw ñu nga wara taxaw mum da ngay taxaw parce que taxaw man nga ko taxaw mum doone manoko wa taxaw man nga ko li nga manul moy roko ak sujud leg yoy bo toge nga def ci voilà jehna wallahu ta'ala la ko konde tagalu nit ci may mo organe wala fay jaay waaw legi am est ce kon amna do wadi ko recevoir ko ni ko koy defal dedet ben la Sambay bat Sambay bat la ñun question bi ñi wax fi question diiné la Sénégal bayil way de ki di wax question diiné la ni waxtane waxtane wuñu masala loi assemblée nationale wa ñu way la moy comme ci tukki biñ doon wax wa bu fekke da ngay voyage bo xamni wa di ngay jox da ngay yakkar ñu 3 jours lay def ngay wañu commencé wañu wa mais voyage di gëna gudd wa est-ce que da ngay ko ne di wañi wañi ba ko ni dina comme tay kan ngay ñubi fek bo nan ba man day affaire bi limay fi le après comme question fi lañ koy poser bu amé légui su fekente ne damay voyager maw ma commencé wañi bam yag ma gis ne dama jappone peut-être ñetti fan la wala lu ko tout lu ko yes ma jekki am benn moment doona mané mais man attention hein affaire bi amna lu mo wara lijeenti wala bok lamay lijeenti soxlu sotegul waye mën na soti tay suba ginaaw suba dans un mois dans un an té sotegul té manam mais japp na né dans l'imminence mën na soti té lala guma samay basal comme niñ koy waxe bo ba warna daal mën wañ di wañ rek ba karok mu mat lool nak bokul ak bu fekkante na xamna ka ñaata temps la fay def fofu la différence nek wallahu ta'ala wa bismillah waaw voilà don de sang nak wouté nak tout ak don d'organe waye sauf que don de sang en principe dafa haram en principe voilà légui nak mais vu que cas de figure ñu koy utiliser souvent ay cas de manam cas de figure ñu koy utiliser moy cas yi nga xamné c'est extrême manam suñ ko defulul waji day dé lool rek mom moko daganal lolo ko daganal wallahu ta'ala amul droit mayma te so parce que munulo maye lo xamni momoko te yaramu nit ki momoko yalla ko mom wa lol la lay wax ni ko xamni da fay sa mo mom da plan dé dé organe organe ko xam mom da fay dé bokku wa mais légui légui légui dégi non manam yaramu nit nit borom bi dako xormat muy julit muy yefer ño ci yam yaramam du dagan ñu diko jël diko jox kenen mam du dagan ñukoy utiliser mu melni objet dafa du dagan ci nit parce que yaramu nit mom la yalla xormal légui nak waji du dundu mu dé dé gi ak dundu gi amul rapport parce que tay par exemple ku dé ku bax mo gën ku dundu ku bon du deug amuñu manam dé gi du ci dara amul ben rapport lool mom motax manam duñ ko mëna jël voilà problème benen bu ci nek ci walu batine ci par exemple ñu jël xol waaw ci kenen waaw ci koy ñewon ci kokku man ci mom exactement day évoluer dem day nek ci kenen si bo jëlé xolu nit nga brancher ko kenen da ngay gis kokku ni xolam melon yow sa xol bobu non lay mel ma si amna sax wa rubé la sam bu ñu ta ci def bu ñu def ben greffe ki da gis ben waye rek bëgg ko wa nek té greffe ñu ko defol c'était le cœur de la femme du gars voilà nek mom da actual da bëgg ko xam lu xaw nek rek ñu wara nek jambu lo ci voilà si ak ay xalé palestinien yo xamantene dañ leen di defal greffe ñi nga xam organe ñi nga xamantene ñom ay juif lañ xalé juif lañ won ñu daal di commencé bëgg yéhoni bëgg yépp ak yeneen ak yeneen ak nit ko xamantene tay par exemple dañ ko jëlon greffel ko xolou ki nga xamantene manam kenen après ñu gis mais lool dafa permettre par contre cette fois-ci mu manam day def dafay def fu mu tollu day tit day tit melni kuy lap parce que wa jojo dafa la bon et cetera manam dafa am ay yeneen mbir yo xam ci yo yeneen conséquences la mais ala kulli halen dal de toute façon luma momul munuma ko maye te yaramu nit ki momugo yalla ko mom wa c'est pas affaire question de vie ou de mort c'est que pour wagn souffrance nit la ci dem lu ci ëpp no ko ñi ñi defal rek pour jalis dañu defal rek pour ubi leen dañu du baye mais jalis mëna ni ko dañ par exemple wa ba paré mëna échouer sax voilà ba paré mëna def wallah ba bismillah pour ñe sobe ha da fait cumuler oxygène wala du nekk ci bir tam lan ci sobe wa pour ñe sobe wa da fait cumuler oxygène wala ah non dafa ndan sobe matière la bo xamné sobe manam du ak salté du ben sobe ak salté du ben sobe ap acte la bo xamantene acte bu spirituel la mën nañ ko wax tout le temps c'est sensoriel hein du lo xamantene lu nuy laal la donc li nek sobe mën na nek ne ça dépend mën na nek ne dafa laal oxygène motax mu tuddu sobe comme par exemple moy meddi par exemple wala dara mu nekk ci biir nit du sobe mais su genné day nek sobe lol oxygène ak ngelawli manam ngelawli ak jant be ak yoy non muy amal contact mokoy def moy tax mu nek sobe mais amna yo xamantene tamit comme par exemple sangara le fait que mu sopeku bay mandilaté lolo tax mu nek sobe tandis que li man li tax mu am manam le fait que mu am rulu di mandilaté lolo tax mu nek sobe comprendre mam li tax dal mbir di nek sobe ay mbir yu wouté la yu bari yu wara mëna tax li génn ci nit bi mu génné lay nek sobe lañ ko mëna tuddé sobe en tout cas mais bu nekké ci bir nit parfois sax té lool sax le fait que mu nek ci sax téré wu ko doon sobe en réalité le fait que mu nek ci bir nit ki téré wu ko doon sobe téré wu ko doon sobe espère wa milale oxygène le doon sobe tan ban du fekke rapport du doon sobe wa non lolou day delou wat ci question ndax mom ci bopam sobe la wala du sobe man niou bi ci bopam moy esperme bi est ce que sobe la wala du sobe lolou ci bopam ci question bobu lay delou te man niou li geuna deuguer moy du sobe en réalité parce que quoi qu'on puisse dire bu nekké ci biiru nit bu génné batay sobé la manam batay manam ki bi la yor même arté bi la yor même forme bi la yor même mbir mi la yor par exemple tay su jugé ci ku goor gi di dem ci ku jigen gi mais pourtant génné na ci nit ki dem fénen munu ñu wax né na pop xeyna amul nga la wala lool munu ñu ko wax parce que c'est relatif et en plus nit attention li tax xam nga moy méthode contraceptive loolu tax lu ñu wax azal moy nit ki par exemple te deug soxnam ba nga xamne dem na ba manuy bi wara gennu mu tour ko ci biti loolu nonu su fekente ne par exemple dafa manuy bobu nonu mën nako tour ci biti pourtant ba pare téré wul ndaw ci eum lan motax pourtant laal na sobe bi laal na ki bi ci biti non hein mais c'est parce que dafa manam bimu ko touré ci biti dafa djégué hein voilà dafa djégué ndaw fi manam fim fimu nekké lool mo motax mu muju jaar fi worona jaarat rek té ben parti bu infirme lay doon parce que man ñuy li ci comme ni ko xamé ben spermatozoïde kessé moy def nit ben spermatozoïde kessé moy def nit science de l'observation prof ñu da fay naaw ñu nan lo dox ay bokk serviette ak yoyu du ko koy téré comme ay serviette ñu wodo ñu koy bokk beure jigen ci jigen ak wala faire ak serviette ñu bokk serviette lo tax ñu koy téré ñu naaw voilà c'est ça pourtant man nuy bi mi ngi won ci biti mais pourtant mom motax ndaw ci eumbu légui nak cas de figure bobu ki nga xamantene day layé ni man nuy bu laalul oxygène rek ci lay nekké sobé ci lako dul noké mais bu ko laalé day nekk sobé légui kokku nonu layam bi day dadi dako parce que fimuy dako moy liko don gêné moy nit est ce que sobé la wala du sobé té ñepp dako nañ ci gëné nit julit bi mom du sobé lu deug légui mom kon question bi mu don poser wu manam la mu don daw pour layé ko nonu lolu doonul taxawat manam doonul amati sens ci kaw lolu motax man ni du sobé mom moy li gëna deugal ba légui damay wër sax question manam ñi wax né man ni sobé la fuñu ko té ba légui ni tay ba légui gisatuguma lu koy wone doono ah sou la taxé boku té sou génné ci yow non ci buy wax lan ah waaw hadith bobu waaw deug la waaw waaw da ci doon julli sax doon julli da ci doon julli après mu xoss ko mais lolou mën na ni yenenbi la sallalahu alayhi wasallam ndax yenenbi daram du sobe sallalahu alayhi wasallam daram du sobe kokku particularité mu la mais batay bu doon sobe la manam bu doon man ni sobe la dina ko leral parce que quand même ni man ni mi genné ci nit ñi ni mu bare ak nit ñi soxla way xam atté bobu ni mu bare bu doon sobe la au moins ben yon dina ni man ni gaay sobe la do nak comme ni mu xamlé lenen ne yenen ni sobe la yu bari nga xam nañ ñep xam nañ ni sobe la ni mu ko xamlé bu doon man ni sobe la dina ni man ni masyu ni man ni di nit ñi man ni mi genn mo ëpplé masyu di genn ci nit ñi te masyu léral na ni sobe la mais man ni waxul na sobe la Allah ta'ala. mais ala kulli halat contact bob contact ki aussi lolou khalat la genre ki le tete dafa melni sax lu bes la xetu waxu ñu bes ni la du waxu en tout cas xawma ñu jëk ci xawu ba xama ñu jëk ni da du mu doon mo won gis ñu koy layé ñu bes ni da la gis ñuy bëgg di layé lol nan da la oxygène ak la du ko mais li ñu la wax légui ni day da di dakk seen qiyas bobu seen lay bobu lay bu dakk lu wax ni deugul dara والله تعالى اعلم ابا ليك دا دا من جليز صلى الله عليه وسلم خمنا جوتاي بي دي نيو ان شاء الله كنوزي لا لا لا مساله فقهي موم واو دا ملني جيخو ان شاء الله جوتاي بودي سي بلوغ المرام بي جوتاي بي دي نيو inshallah dañu gis masala usuliyé rek dañu tej hadith dañu tej buntu bi ah ana dana dina la jox yi inshallah allah allah sallallahu alaihi wasallam wa ñu ngi bind rek inshallah.